1, écoute ça, 2, ouvre les yeux. 3, v'là qu'on m'amène, secrète, c'est pour toi mon vieux. De banlieue, province et Paris, quartier pourri Tessie. Champ de vision rétréci, j'ai plus envie d'être ici. Qui que tu sois, où que tu sois, c'est partout pareil. En France, en France, j'ai beau essayer, mettre le réveil à 7h, quitter mon secteur, voir ailleurs, plus loin mais y'a pas moyen, tu vois rien. Écoute ça, 2, ouvre les yeux. 3, v'là qu'on m'amène, secrète, c'est pour toi mon vieux. De banlieue, province et Paris, quartier pourri Tessie. Champ de vision rétréci, j'ai plus envie d'être ici. Qui que tu sois, où que tu sois, c'est partout pareil. En France, y'a plus de pilote dans l'appareil. J'ai beau essayer, mettre le réveil à 7h, quitter mon secteur, voir ailleurs, plus loin mais y'a pas moyen, je ne vois rien. Ou vraiment pas grand chose, l'écart se creuse et dis-moi ce qu'on nous propose. Mourir d'une overdose, finir en tôle, ce n'est pas pour moi. J'ai le choix des armes et ce n'est pas une fin comme ça que je vois. Discrète attitude, on a des valeurs, un code de l'honneur. Nique le bruit et l'odeur, FN et affiche couleur. Politico vrai menteur, télé qu'aime pas la couleur. Ce n'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, c'est peut-être ça qui nous pousse. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, celle qui nous fait peur à tous. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course. Ce souci, la peur du lendemain, ce futur incertain. Se dire qu'il n'y a pas moyen, se noyer sans mal quand dans les poches t'as rien. Ce quotidien, l'endroit d'où je viens qui m'empêche d'avancer. La chance n'est pas là, y a plus que le mal pour m'influencer. Ma conscience est ici sous mise à rude épreuve, que faire car je suis coincé. Car tout est mis en œuvre pour pas que je m'en sorte, pour pas que je m'en aille, que je bataille dans la vie. Ils veulent pourrir le monde, moi je comprends pas c'est quoi cette maladie. Je l'ai dit, c'est une étoile. Et tu le sais, la vérité est faussée. Les gens vrais n'ont plus de succès. Vu que c'est la merde partout, on désodorise. En attendant qu'un jour y ait chose qu'elle qui se concrétise, on vit le haut de l'échelle. Le banc on le connaît par cœur. Plus tu restes là, plus ton se vit. Prend de l'ampleur la peur du lendemain. Vu qu'aujourd'hui c'est pas super, y'a que deux chemins. Le bon est plus celui où tu se perds. C'est ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, c'est peut-être ça qui nous pousse. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, celle qui nous fait peur à tous. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course. J'en vois de toutes les couleurs, du rouleur au dealer de crack. Des balles à frais, des refrais qui prennent des risques pour 20 sacs. Normal que je m'inquiète, ici les enfants grandissent trop vite. À 12 ans, fume la cigarette, à 14 dit le shit. J'habite le 18, baisse bar, partout j'ai tourné. Des journées entières, mais à 4 départ faut retourner. Avenir compromis, je vois toujours pas le taf qu'on promet. Si je prends le chromie, c'est pour pas chuter, mais tu connais. Sans repère et sans rien, c'est rare de voir des gens bien. La rue j'en reviens, et je t'assure j'ai peur pour demain. C'est pas ici mon avenir, je le vois meilleur. Je veux voir ailleurs, voir ailleurs, et pouvoir bouger assez loin. C'est pas ici mon avenir, je vois meilleur. La peur, la peur, la peur. C'est pas ici mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, c'est peut-être ça qui nous pousse. C'est pas ici mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course. C'est pas ici mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, celle qui nous fait peur à tous. C'est pas ici mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course.